19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ce soir, le magazine d'archéologie ouvre ses portes à une véritable machine à remonter le temps. Bien plus puissante que la DeLorean DMC-12 du docteur Emmett Brown, dit Doc dans Retour vers le futur. Cette incroyable machine, c'est bien entendu la paléogénétique, l'archéologie moléculaire si l'on préfère, qui au travers d'un minuscule bout d'os, voire d'un fragment de terre, fait apparaître notre lointaine phylogénie, notre histoire la plus secrète, notre innée, dans toute sa profondeur, l'histoire de l'humanité. Les premières méthodologies de séquençage de l'ADN datent de la fin des années 1970. Mais si la paléogénétique plonge dans le temps long, très long, sa propre histoire s'avère toute récente. Le premier génome d'un individu ancien séquencé date de 2010. Un paléo-esquimau de la côte ouest du Groenland, vieux de 4000 ans et de culture sakak. À la pointe de cette révolution génomique figure un scientifique français, natif de Marseille, passé par NormalSup et le laboratoire Geogenetics de Copenhague. Ludovic Orlando, bonsoir. Bonsoir Vincent. Merci d'être en direct et au téléphone ce soir. Directeur de recherche au CNRS, vous dirigez désormais le Centre d'anthropobiologie et génomique de Toulouse, laboratoire du CNRS et de l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Vous venez surtout d'écrire un livre limpide et passionnant, L'ADN fossile, une machine à remonter le temps, aux éditions Odile Jacob et préfacé par Jean Guilaine. Ludovic Orlando, revenons à notre paléo-esquimau, à son génome entier qui était contenu dans un cheveu. C'est ça, dans une poignée de cheveux en réalité. Il faut que vous imaginiez peut-être l'équivalent d'une assez grosse mèche de cheveux. Mais dans cette mèche de cheveux, au-delà des cheveux, eh bien, on a pu découvrir dès le mois de février 2010 l'étendue complète de son génome. Et là, par là, découvrir des choses qui finalement ne résistent pas généralement au temps et ne sont rarement fossilisées. Par exemple, déduire de son patrimoine génétique quelle était la couleur de sa peau, par exemple la couleur de ses yeux, ou encore la susceptibilité que l'individu avait de contracter telle ou telle autre maladie, par exemple. Alors tout cela s'exprime par plusieurs milliards de lettres, c'est bien ça ? Alors un génome humain, c'est de l'ordre de 3 milliards de lettres. Vous savez, l'alphabet génétique, c'est 4 lettres. Il est plus simple que notre alphabet en langue française. C'est ACGT. Et donc imaginez une très longue phrase qui est une suite de ACGT. Ça vous code quelque chose, ça vous donne un message qui donne des instructions à la machinerie biologique. Et quand elle s'exécute, cette machinerie biologique, elle peut mettre en branle ce que on appelle l'inné, d'une certaine manière. Alors bien sûr, vous avez essayé de le comparer aux populations arctiques actuelles, et quelle fut votre surprise ? Ah, la surprise, elle était multiple, mais la plus grande, à mon sens, c'est qu'on était en droit peut-être de s'attendre à ce que cet individu sakak, trouvé sur la côte sud-ouest du Groenland et vieux de 4000 ans, peut-être était l'ancêtre direct des gens qui y vivent aujourd'hui, le peuple inuit, d'une certaine manière, du Groenland. Et en réalité, les peuples actuels qui vivent aujourd'hui sur la planète, qui s'en rapprochent le plus génétiquement, ne vivent absolument pas au Groenland aujourd'hui, mais plutôt aux confins de la Sibérie nord-orientale. Ce sont des populations telles que les Tchouktchiks ou les Kouriaks, et qui sont en fait vivant aujourd'hui à plusieurs milliers à l'ouest de kilomètres à l'ouest du Groenland. Si bien que la déduction de ça, ça a été de déduire que finalement le peuplement du Groenland est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait tout d'abord envisagé. Vous savez, une contrée peut-être au climat hostile, on était peut-être en droit de penser qu'elle n'avait été colonisée d'une certaine manière qu'une fois. Eh bien, en fait, ce que Sakak nous démontre, c'est que ces ancêtres-là avaient conquis le Groenland une première fois, mais finalement s'étaient éteints dans leur évolution et avaient laissé la place bien plus tard à l'arrivée des ancêtres des paléo-inuits, si vous voulez, qui sont arrivés aux alentours d'il y a un peu plus d'un millier d'années de cela. Oui, la fameuse expansion, bien sûr, de la culture de Thulé. Ludovic Orlando, le grand dossier est sans nul doute Néandertal. L'annonce de sa proximité avec nous a été un moment vraiment exceptionnel pour nous tous. Alors, à de multiples titres, c'est pas à vous que je vais apprendre en effet que depuis qu'il est découvert, l'homme de Néandertal, au milieu du 19e siècle, on l'a qualifié à peu près de tous les sobriquets, hein. Pensez à Marcelin Boule qui l'appelait une bête féroce à peine sortie de l'animalité, et voilà que près d'un siècle et demi plus tard, l'ADN nous démontre définitivement que lui et nous, finalement, on est plus que de lointains cousins. On a échangé dans notre histoire évolutive plusieurs fois nos gènes, ce qui veut dire qu'on a eu des enfants ensemble, si vous voulez, et que ces descendances-là, ces croisements-là existent encore aujourd'hui dans votre génome, dans le mien, et en fait dans celui de tous les Eurasiatiques, peuple eurasiatique, à hauteur de une poignée de pourcents de nos variants génétiques. Oui, sauf en Afrique, visiblement. Alors en Afrique, la situation est un peu plus compliquée, c'est-à-dire que en Afrique, il y a eu des gens qui étaient sortis d'Afrique, évidemment, et qui ont donné naissance aux populations qui sont hors d'Afrique, donc en Europe, en Asie, et ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mais vous savez, de même que des gens sont, au cours de notre histoire, sortis d'Afrique, il leur est aussi arrivé de retourner en Afrique, donc de faire le voyage inverse, en quelque sorte. Et si bien que si ces gens-là, dans leur histoire évolutive, ils descendaient eux-mêmes de croisements avec les Néandertaliens, eh bien, ils ont pu faire le chemin inverse et ramener des variants génétiques néandertaliens en Afrique. Donc, en moyenne, il n'y a pas tout à fait une absence totale de variants génétiques néandertaliens en Afrique. Et ça peut paraître surprenant puisque Néandertal n'était pas en Afrique, mais c'est simplement parce que certaines des populations qui sont aujourd'hui en Afrique sont en fait le fruit de personnes qui étaient hors d'Afrique et qui sont retournées en Afrique aujourd'hui. Ludovic Orlando, Néandertal, désormais on le sait, roux, curieusement, mais aussi porté en nous des gènes néandertaliens, favoriserait les formes graves de Covid-19 ? Oui, alors certains néandertaliens étaient roux, en effet. C'est d'ailleurs un travail qui avait pu être montré avant même la caractérisation du génome complet de l'homme de Néandertal, en s'intéressant à des gènes qui participent vraiment à ce caractère, la couleur des cheveux. Le Covid est un très bon exemple. Il y a des variants qui, si vous les portez et qui vous sont hérités de Néandertal, ben vont augmenter votre susceptibilité de contracter des formes graves de la maladie d'un facteur environ de 60% en plus, si vous voulez. Donc ça, c'est finalement les variants dont on hérite qui sont les variants qui nous mettent en défaut, si vous voulez. Mais de la même manière et de manière complètement symétrique, il y a des variants qui, au contraire, nous aident. En fait, il y a d'autres types de maladies où les variants génétiques néandertaliens nous confèrent une plus grande résistance à ces maladies. Donc vous voyez, il faut voir tantôt le verre à moitié vide, tantôt le verre à moitié plein. Et la leçon formidable de tout cela, c'est de se dire que finalement, ces variants perdus dans la nuit des temps, hein, qui se seraient éteints sinon avec la lignée néandertalienne il y a 40 milliers d'années, eh bien en fait, ils continuent aujourd'hui et maintenant dans nos populations à conditionner notre état de santé actuel. Denisova est probablement la plus grande surprise que nous ait faite la paléogénétique, faire émerger une humanité disparue dont rien, notamment la culture, ne laissait supposer l'existence, tant aux archéologues qu'aux anthropologues. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer ce que ça a été la découverte. Alors on est en 2010. Vous avez vu 2010. Vous dites premier génome humain ancien avec Inuk. Vous l'avez rappelé. Puis ensuite quelques mois après Néandertal et à la toute fin de l'année la découverte d'une fillette puisqu'il s'agissait d'une petite fille d'une humanité absolument disparue. Il faut s'imaginer ce que c'était ce fossile. Hein. C'était quelque chose comme une toute petite phalange d'un enfant. Donc une petite phalange. Vous voyez faire la différence entre ma phalange et la phalange d'un homme de Néandertal ou même d'un chimpanzé. Ben c'est pas facile, quoi, en réalité, parce qu'il n'y a pas tous les caractères morpho-anatomiques que l'on retrouverait, par exemple, dans nos différences crâniennes, hein, le volume de notre crâne ou d'autres types de caractères. Eh bien, néanmoins, visiblement. De caractère morphologique, à peine une phalange, eh bien, l'ADN est à ce point différent d'une autre. M'entendez-vous ? Je vous entends très bien, Ludovic. Je vous entends. Donc, je disais que le... Ah, très bien, pardon. Donc, que l'ADN... Très bien. L'ADN étant à ce point différent du nôtre que et de celui de l'homme de Néandertal, qu'il a fallu en faire se rendre à l'évidence et le qualifier comme une lignée différente de celle de Néandertal et la nôtre. Alors pour la petite histoire, ce jeu de comparaison de ces ADN entre le nôtre et celui de l'homme de Néandertal a montré qu'il était somme toute plus proche de la lignée de Néandertalienne que de la nôtre, et ainsi de découvrir un proche parent plutôt des Néandertaliens que de notre lignée à nous. Et l'ensemble de ces lignées ont divergé les unes des autres à la louche aux alentours d'il y a 600 000 à 800 millions de ans. Alors Denisova, vous l'écrivez, c'est une branche cachée de notre histoire évolutive, mais que l'on connaît qu'au travers de 5 ossements, notamment découverts dans la Thaï, mais aussi au Tibet. Là encore, on suit les Denisoviens jusqu'à nous, puisque certaines communautés humaines modernes en gardent quelques gènes. En effet, alors si on pense aux peuples océaniens, par exemple de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Mélanésie, ces populations-là, elles ont non seulement hérité, tout comme nous en Europe d'ailleurs, d'environ 2 à 3% de variants génétiques de la lignée néandertalienne, mais leur particularité avec nous ici en Europe, et d'ailleurs à peu près partout ailleurs en Eurasie, c'est que ces populations dont Papou-Nouvelle-Guinéenne, elles ont en plus hérité de l'ordre de 4% de leurs variants génétiques issus directement de Denisova. Donc ce sont les populations d'hommes et de femmes vivant aujourd'hui sur la planète qui en fait contiennent dans leur génome le plus grand héritage génétique de populations de lignées humaines aujourd'hui disparues, les Néandertaliens et les Denisoviens. On dit même que les Denisoviens auraient été adaptés à l'altitude. Ludovic Orlando, nous avons parlé de l'Europe et de l'Asie. C'est peut-être une colle. Qu'en est-il du paléogéno en Afrique? Alors l'Afrique, comme malheureusement souvent, est un peu restée en arrière-plan jusqu'à présent des études, pas simplement paléogénétiques d'ailleurs, mais génétiques tout court. Hein. Lorsque les technologies de séquençage à très haut débit sont inventées, elles ne sont pas inventées pour l'archéologie, elles sont avant tout inventées pour la médecine en réalité, afin de nous armer ici, dans les pays occidentaux, d'une médecine qu'on dit de précision ou personnalisée, qui s'adapterait aux variants que vous avez dans votre génome ou aux variants que moi je porte dans mon génome. Et on peut imaginer que comme ce sont les pays occidentaux qui ont été à l'initiative de tout ça, les pays occidentaux ont été les premiers à se caractériser génétiquement. Et ceci a fait que les populations africaines sont un peu moins connues, bien que ça change aujourd'hui quant à leur diversité génétique. Et bien, il faut imaginer que la même chose s'est passée en archéologie, tout d'abord parce que peut-être que les territoires européens ont été historiquement plus fouillés. L'archéologie s'est aussi développée d'abord ici, en Europe. Et ensuite, c'est que l'Afrique, c'est un très très vaste continent, et en réalité, une très grande partie de ce continent possède des conditions environnementales plutôt chaudes, plutôt humides, qui sont des paramètres environnementaux qui sont pas généralement très favorables à la préservation de l'ADN dans les fossiles. Mais cependant, il y a quelques études, on va dire pionnières, et qui montrent la route de demain, qui ont tantôt caractérisé les génomes d'individus anciens qui vivaient, je pense par exemple en Éthiopie, il y a 1500 ans. Si on va plus vers l'Afrique du Nord, dans le territoire actuel du Maroc, il y a des Ibéro-Mauriciens qui ont été caractérisés pour leur génome entier. Ces gens-là vivaient il y a 15 000 ans. Ou si on va à la pointe sud de l'Afrique, il y a des individus humains à la fois de l'expansion bantou, donc on se situe à une poignée de milliers d'années, 2000 années environ, ou même avant eux, qui ont été également séquencés. Mais pour vous donner un chiffre de comparaison, il y a de l'ordre de une vingtaine à une trentaine d'individus humains anciens africains qui ont été séquencés, alors qu'en Europe, le nombre se chiffre en plusieurs milliers. Alors, rappelons-le, c'est aussi un terrible constat. Dans la grande majorité des cas, la recherche de l'ADN ancien ne trouve absolument rien. Eh oui, alors on parle, comme beaucoup de fois, on parle essentiellement des succès, c'est-à-dire de ces études, où la destruction partielle est minime, j'y tiens, la plus faible possible de ces quelques milligrammes d'os ou de dents. Bien, il y a quelquefois, ça découvre Denisova, quelquefois, ça nous apprend que Néandertal vit en quelque sorte encore en nous, mais la plupart du temps, le temps a fait son œuvre et de l'ADN n'existe plus. Si bien que travailler en paléogénétique, comme souvent en recherche, c'est avant tout apprendre l'humilité et s'en remettre avec les meilleurs outils du monde, néanmoins à la contingence de survivance de l'ADN dans les fossiles. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. La génétique n'est-elle pas là aussi pour bousculer les préjugés, nos certitudes? Ainsi en va-t-il de l'homme de Cheddar, découvert au cœur de la vallée de cet improbable fromage britannique. Ludovic Orlando. Pardon, je croyais qu'on était coupé. Oui, bien entendu. Donc l'homme de Cheddar, la découverte génétique. Vous savez, vous, dans votre génome, il y a des tas de variants génétiques et certains vont, la plupart du temps, ne rien faire, ne rien changer quant à votre biologie, mais certains vont avoir des conséquences. Et par exemple, certains vont conditionner la couleur de peau que vous allez développer. Et en particulier, l'homme de Cheddar, alors qu'on se le représentait, alors j'écris dans le bouquin, hein, dans un des chapitres, comme l'ancêtre des roast beef d'une certaine manière, donc plutôt blanc de peau et plutôt pâle, en réalité, la génétique a montré qu'il était en fait de peau très foncée. D'ailleurs, et donc l'homme de Cheddar, on se situe aux alentours d'il y a 10 000 ans pour aller vite. Hein, donc c'était un chasseur-cueilleur du territoire britannique actuel. Mais si on remonte maintenant, puisqu'on est en France ici, dans le bassin parisien, il y a un peu plus de 5 000 ans, à la fin du néolithique, nos travaux récents au laboratoire, donc du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, ont montré que ces ancêtres du bassin parisien, si vous voulez, eux aussi avaient une peau très très foncée. Et on est pourtant, il y a 5000 ans de ça, 5000 ans après l'homme de Cheddar, si vous voulez. Si bien que notre imaginaire commun, peut-être, de ce à quoi devaient ressembler nos ancêtres ici, est complètement remanié avec les découvertes génétiques. Et très souvent, la surprise est là de nous montrer que finalement le passé était beaucoup plus, comment dire, créatif, divers, surprenant que ce que notre imagination peut être biaisée par notre construction sociale actuelle ou par nos opinions politiques pourrait nous les avoir donné le droit d'imaginer. Alors ça, c'est le dernier article que vous venez de publier avec, bien sûr, votre laboratoire. Vous l'avez publié juste la semaine dernière, un article sur les populations néolithiques à la fois du bassin parisien mais aussi de Narbonne, montrant une sorte de très grande diversité avec aussi, pour le néolithique du bassin parisien, bien sûr, une sorte d'homme de Cheddar. C'est bien ça, donc noir. C'est ça, donc un homme à la peau foncée qui existait là. Et ça, c'était une relativement grande surprise. Et la seconde grande surprise de ces travaux, c'est qu'alors qu'on se situe à la toute pointe du néolithique, donc on découvre chez certains des individus, mais pas chez tous, il s'agissait de sépultures multiples. Donc on trouve chez certains d'entre eux, une poignée d'entre eux en réalité, une fraction génétique de leur patrimoine génétique qui est finalement beaucoup plus caractéristique des mésolithiques chasseurs-cueilleurs que des individus néolithiques habituels. Donc en réalité, dans cette sépulture collective, vous voyez, culturellement, tardie néolithique, de la fin du néolithique, subsistent en quelque sorte des individus au patrimoine génétique très mélangé, très différent. Certains plus néolithiques, d'autres un peu plus de type chasseur-cueilleur, si vous voulez, si bien que cela montre comment aujourd'hui l'inné et l'acquis, donc les gènes et la culture, s'interpénètrent, et en réalité comment faire dialoguer les deux disciplines que sont la génétique et peut-être la discipline plus d'archéologie culturelle ou matérielle, eh bien peuvent nous permettre de compléter le portrait robot que l'on veut bien essayer de tracer sur les peuples passés. Et oui, c'est justement le titre de l'émission. La diversité est donc un sujet très important. En septembre, une vaste étude génétique a été publiée à partir de plusieurs nécropoles. L'identité viking en prendrait un coup ? Alors oui, quand on dit l'identité, c'est toujours un terme, vous voyez, qui est contentieux, qui est chargé de signification même politique, avec des échos parfois même peut-être dangereux. Donc, on va dire, ce qui définirait la culture viking, bon, c'est un tout, une panoplie de culture matérielle, mais également d'organisation sociale. Et les découvertes paléogénétiques montrent qu'en fait, génétiquement, ce peuple-là était un peuple beaucoup plus divers que ce qu'il n'y paraissait par l'homogénéité culturelle qu'il revêtait. Donc, vous, en permanence, les résultats paléogénétiques, ou très souvent, du tout du moins, révèlent une diversité cachée, révèlent une diversité insoupçonnée d'une certaine manière. Et à ce titre, pas que de manière générique, si vous voulez, c'est que lorsque dans notre imaginaire collectif, en tout cas moi, hein, je m'imagine un viking, si vous voulez, un guerrier viking, je vais volontiers m'imaginer un homme, en réalité, et rarement une femme. Et si bien que ce biais-là cognitif, il n'y a pas que moi qui l'ai, en réalité. Souvent, les archéologues peuvent l'avoir, et il y a une très grande tombe d'un guerrier viking qui avait été découverte, on se situe il y a plusieurs décennies de cela, et avait été qualifié de guerrier, ce personnage-là, parce qu'il avait tous les attributs que l'on accorde volontiers à la virilité, si vous voulez, les armes, les pions de stratégie. Ah, visiblement, Ludovic Orlando aurait... Ah, on va essayer peut-être une petite musique. Je suis désormais seul, mais vraiment tout seul avec mon acquis, puisque Ludovic Orlando vient visiblement de tomber dans l'eau. Ah, non, on me dit qu'il remonte sur le bateau. Ludovic Orlando. Ludovic Orlando. En régie, bien sûr, on rame aussi. Par chance, nous allons dans le même sens pour avancer et renouer le contact avec Toulouse au fond du boyau et du tuyau. Je rappelle que le sujet de cette émission de Carbone 14 était inné et acquis sont dans un bateau. Ludovic Orlando, vous êtes de nouveau avec nous. Je suis de retour, comme la DeLorean dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Donc, vous remontez dans le bateau. Alors, cette femme victime, on en aurait trouvé d'autres aussi un peu partout, et notamment en Amérique. Il faut rappeler quand même que des femmes guerrières, il y en a existé dans maintes sociétés. Je pense donc à ces 5000 guerrières au Dahomey au XVIIIe siècle. Rien d'anormal, quelque part. Finalement, rien d'anormal, mais vous voyez que même aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, hein, il y a des manifestations politiques discutant la notion de genre ou de bousculant la notion de genre, peut-être faisant la confusion entre genre et sexe génétique. Et en réalité, tout ce que ces travaux-là montrent, c'est que finalement, des frontières n'étaient pas si rigides que ça dans le passé. La génétique, c'est aussi une course aux résultats. Certains chercheurs, notamment d'Harvard, ont quasi industrialisé ces séquençages pour les appliquer à des mystères historiques que sont bien sûr les Minoens de Crète, les Huns, les Indo-Européens, l'effondrement de la civilisation de l'Indus. Oui, alors la liste pourrait s'étirer encore jusqu'à la fin de cette émission. En effet, je pense qu'il n'y a pas eu... où il n'y aura pas de civilisation passée pour lesquelles les restes fossiles sont encore accessibles aujourd'hui, qui ne passera pas à un moment donné à la moulinette de l'ADN ancien. Et alors ça, on peut le voir à la fois comme quelque chose de très positif, parce que nos outils, ceux de la paléogénétique, apportent un complément d'informations d'une richesse assez prodigieuse sur ce qu'étaient ces peuples passés, mais on peut en même temps s'interroger de l'adéquation ou de la nécessité de faire ces études systématiquement, parce qu'il faut se souvenir premièrement que ces vestiges, ben il s'agit d'hommes et de femmes, hein, parfois d'enfants du passé, donc à traiter avec toute la dignité qu'ils méritent d'une certaine manière. Deuxièmement, ces civilisations du passé, a-t-on le droit, nous, d'un point de vue de notre perspective de pays occidentalisés, a-t-on le droit de traverser la planète et de s'approprier ces vestiges biologiques d'autres peuples et d'autres endroits, parce que c'est nous qui possédons les outils aujourd'hui qui sont capables de les analyser. Donc ça pose aussi un problème de la conservation, de l'éthique associée au travail de la paléogénétique. Et ensuite, il ne faut jamais oublier, même si ce sont simplement des milligrammes, des centaines de milligrammes d'os ou de dents que nous analysons, eh bien nos technologies sont encore à ce jour destructives, si bien que si on industrialise tout et à outrance, à ce moment-là, on peut craindre qu'à un moment donné, plus rien ne reste disponible pour les générations futures et les outils que ces générations futures pourront développer. Donc je pense qu'aujourd'hui, la paléogénétique est passée à un âge... En tout cas, dans le livre, j'ai tout un chapitre, le dernier, qui évoque ça. J'appelle à une approche raisonnée. Tiennent en compte de concert je puis dire, notre soif d'apprendre, mais garde toujours en présence la nécessité absolue de coordonner les... Ludovic Orlando, je ne sais pas si vous m'entendez exactement, mais moi j'aimerais réinsister. Vous nous contez notre histoire au travers de nos gènes, mais sommes-nous que le produit de nos gènes, ceci même qui conduirait notre destin? Est-ce que vous m'entendez? Ah non. Je vous entends. J'ai entendu destin, excusez-moi. Alors voilà, vous nous contez notre histoire au travers de nos gènes, mais sommes-nous que le produit de nos gènes, ceci même qui conduirait nos destins? Je pense que c'est très important de réinsister sur ce sujet-là. Alors oui, il est fondamental, et merci Vincent de m'en donner l'occasion ici. Vous avez mis le titre de votre émission, « Inné ou acquis sont dans un bateau », donc je sous-entends qui tombe à l'eau. Eh bien, aucun des deux en réalité. Moi, individu généticien, de métier si je puis dire, je n'accepterai absolument jamais, moi le premier, de me laisser réduire à mes simples gènes, au patrimoine génétique qui m'a été donné avant même d'exister d'une certaine manière en tant qu'individu. Donc évidemment que je suis aussi le produit d'une culture très affirmée, et effectivement mes goûts, mes envies, mes rencontres, mes sentiments, évidemment qu'ils ne sont pas encodés dans mon génome. Donc ce que la paléogénétique permet de faire, c'est justement de faire le tri entre ce qui relève du domaine de l'inné, et donc de retracer l'histoire des peuples d'une manière presque objectivée, parce que quantitative, et écrite dans l'ADN d'une certaine manière, pour laisser le champ ouvert à toutes les autres interprétations qui ne peuvent pas être expliquées par le biologique seul. Et donc aujourd'hui, on est finalement dans un moment de notre histoire de l'archéologie qui est ultra riche, ultra passionnant, parce que pour la première fois depuis finalement l'histoire de cette discipline-là, biologie et culture peuvent enfin se parler, peuvent mutuellement s'enrichir et peuvent finalement contribuer en permanence à redessiner les contours de chacune des disciplines. Vous prenez une archéologie, bien entendu, multidisciplinaire, mais surtout intégrative, une sorte d'archéologie totale. C'est exactement ça. Le meilleur terme auquel on peut penser, c'est total. Vous voyez, je suis un généticien, donc je devrais faire du prosélytisme uniquement pour mon outil, si je puis dire, celui qui est l'ADN, mais en réalité, pas du tout. On prône, nous, la nécessité, puisque le passé ne fait jamais que s'effacer, et inexorablement s'efface, il serait absolument idiot, je pense, que d'essayer de ne défendre qu'une seule vision, qu'un seul outil. Donc, au contraire, utilisons tous les outils pour essayer de lutter contre cet inexorable effacement du temps. Et donc, évidemment, l'ADN. Évidemment, l'ADN, vous dites ? Oui, évidemment, l'ADN, évidemment, les isotopes, évidemment, l'archéologie de terrain, évidemment, les textes historiques, lorsque les ressources historiques sont présentes, et évidemment, tout le reste, en réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ludovic Orlando. Merci, donc. Ni l'inné, ni l'acquis ne sont tombés à l'eau, malgré, donc, ces coupures de radio. Et je rappelle le titre de votre livre, absolument à découvrir, l'ADN fossile, une machine à remonter le temps, aux éditions Odile Jacob, et préfacé par Jean Guilaine. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Nasser Moussaoui, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. La semaine prochaine, départ pour l'Asie avec Hubert Forestier.